Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 64e émission, nous allons faire le point sur les élections présidentielles, le phénomène Macron, la défaite de Valls aux primaires, le bombardement nourri sur Fillon, les affaires qui émaillent l'actualité politique française, le FN et Trump aussi un peu. Chers auditeurs, nous analyserons tous ces sujets avec vous et pour cela, je suis accompagné de mon co-animateur Xavier, rédacteur de Faits et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Xavier, dans ta dernière lettre, Faits et Documents numéro 428, tu nous dis que le phénomène Macron et la destruction du Parti Socialiste est piloté depuis l'Élysée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point ? Oui, alors sur Emmanuel Macron, on voit bien qu'il y a un matraquage médiatique autour de sa candidature. La volonté d'en faire celui qui succédera à François Hollande et qui, après avoir battu Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Alors, ce qu'il faut savoir sur Emmanuel Macron, c'est qu'il a accompagné effectivement François Hollande dès le début du quinquennat et puis ensuite il a été ministre de l'économie et des finances de François Hollande. Et disons, sa mise sur orbite a été pilotée dès le début, depuis l'Élysée, c'est-à-dire qu'après ses premières sorties, on avait vu des couacs, il me semble qu'il avait qualifié les ouvriers d'illettrés. François Hollande avait mis à sa disposition Julien Drey, donc qui est un de ses visiteurs du soir et qui a été présent tout au long du quinquennat. Donc ce Julien Drey a formé Emmanuel Macron à la communication. Ensuite, Macron a été promu par François Hollande dans l'espoir de pilonner à la fois Juppé sur le créneau libéral rassemblement républicain et Emmanuel Valls sur l'aile droite du PS. Donc cette mission ayant été accomplie, Emmanuel Macron s'est finalement libéré et avance maintenant seul. Alors, c'est ce qu'Alain Soral appelait la fusée Macron. Voilà, c'est la fusée Macron. Alors, pour bien comprendre de quoi Macron est le nom, si on veut, il faut se rappeler cette citation de François Hollande qui a été rapportée dans Un président ne devrait pas dire ça par les deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, où François Hollande dit « Il faut un acte de liquidation, il faut un harakiri, il faut liquider le PS pour créer un parti du progrès. » C'est une véritable bombe. Donc c'est à ça qu'on assiste actuellement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron a complètement pris le créneau de Manuel Valls, puisque Manuel Valls déclarait dès 2007 « Tout remettre en cause jusqu'au nom du parti, Parti Socialiste, c'est daté, ça ne signifie plus rien. » Donc cette disparition du mot socialiste est en germe depuis extrêmement longtemps. Alors en vérité, c'est Gilles Finkelstein, qui est un des principaux penseurs du Parti Socialiste, qui a d'abord distillé cette idée et qu'on retrouve pleinement aujourd'hui dans la candidature d'Emmanuel Macron. On se souvient de Julien Drey qui parlait de renommer le Parti Socialiste en Parti Progressiste. Voilà. Et on a vraiment l'impression que l'Élysée a tout fait pour s'aborder cette primaire. C'est-à-dire que pendant cette primaire express donc, qui avait été pensée pour François Hollande, Manuel Valls s'est retrouvé coincé à faire une campagne à l'intérieur du Parti Socialiste, le même parti dont il aspirait à la disparition, en reprenant le vocable de gauche qu'il avait complètement laissé de côté pendant ses années de gouvernement. Donc Manuel Valls fait une campagne contre nature pendant que à l'Élysée, tout le monde se rallie à Emmanuel Macron. Donc Ségolène Royal, une semaine avant le premier tour, il y a une fuite opportune dans le JDD où on explique qu'elle soutient Macron, alors ce qui était déjà vrai depuis plusieurs mois. On a Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, donc, qui était chargé de défendre le bilan économique du quinquennat, qui devient responsable du programme et des idées de En Marche. Vous avez tous les proches de François Hollande, Jean-Pierre Mignard, Dominique Villemot, y compris Jean-Pierre Jouyé, donc secrétaire général de l'Élysée, qui soutiennent de façon à peine voilée Emmanuel Macron, à tel point que Manuel Valls a déclaré des journalistes de l'Obs « J'en ai marre de voir que le secrétaire général de l'Élysée aide à lever des fonds pour celui qui veut tuer notre parti. » Donc Emmanuel Macron est le candidat du système. C'est ce qu'on comprend entre les lignes dans... Alors, c'est ça qui est intéressant avec Emmanuel Macron, c'est que le système a compris qu'il se passait vraiment quelque chose avec le Brexit, Donald Trump, le référendum italien, y compris les élections autrichiennes, même si le FPO a échoué. Les populismes en général. Voilà, cette lame de fond. Et donc le système a compris qu'il fallait un candidat hors parti et qui transcende les clivages. Donc si vous voulez, je pense que le parti progressiste va pas se faire maintenant pendant la campagne. On va essayer d'expliquer qu'Emmanuel Macron est un électron libre qui transcende les clivages, et le parti progressiste apparaîtra après l'élection présidentielle, pourquoi pas à l'occasion des élections législatives, où se recycleront tous les élus socialistes qui veulent garder leur siège. Donc ce que tu nous dis, c'est que le système a choisi Macron et lui donne un vernis anti-système. Et d'ailleurs, quand on a les déclarations, et c'est ce qu'on apprend dans ta lettre, par exemple de Bernard Kouchner, Alain Minc ou Daniel Cohn-Bendit, en faveur d'Emmanuel Macron, en réalité, ça gêne cette stratégie anti-système. Voilà, tout à fait. Alors, par exemple, donc toute l'équipe d'Emmanuel Macron, le gros de l'équipe d'Emmanuel Macron, est constitué de jeunes qui étaient autour de la candidature de Dominique Strauss-Kahn dès 2007. Donc vraiment, on retrouve ces mêmes équipes-là. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'entretient très régulièrement avec Dominique Strauss-Kahn et avec Jacques Attali, qui, dans un entretien à GQ, dit « on se parle tout le temps ». Donc vraiment, Emmanuel Macron est, on peut le dire, une créature de Jacques Attali, puisqu'il a fait partie de la commission Attali sous Nicolas Sarkozy. Et que c'est lui qui a organisé cette rencontre, François Hollande et Emmanuel Macron. Exactement. Et alors, il faut aussi... Donc là, on a en ce moment des déclarations de ralliement, de soutien à Emmanuel Macron à un rythme exponentiel. Là, la dernière, ce matin, je crois que c'est Pierre Berger qui, sur Twitter, a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. Et dans le courant de la semaine dernière, on a eu Bernard Kouchner, donc dans Paris Match, qui déclare « S'il y a quelqu'un qui fait naître l'espoir, c'est bien lui ». Alain Minc, donc qui l'a présenté à David de Rothschild au moment de son embauche à la banque Rothschild, qui dit « Je déteste qu'ils disent « Je suis le candidat anti-système, il est le plus beau produit du système ». On a Daniel Cohn-Bendit, il est le premier grand responsable français à dire « Oui, Angela Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe en accueillant des réfugiés », ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça dérange l'entourage d'Emmanuel Macron, qui a bien compris que, si vous voulez, le peuple avait besoin de nouveautés. Il y avait un ras-le-bol à l'égard de ses élites. Et que tous ces ralliements rattachent, malgré tout, Emmanuel Macron à une forme de continuité. La continuité de Nicolas Sarkozy, la continuité de François Hollande, et donc au passé. Alors tout ça pose une question, et nos auditeurs se la posent peut-être avec moi, c'est que intrinsèquement Emmanuel Macron est jeune, plutôt maladroit, mauvais orateur. Est-ce que le choix du système à l'égard d'Emmanuel Macron est un choix qui est pensé depuis longtemps, ou est-ce que finalement il ne se raccroche pas aux branches et choisisse précipitamment le... Alors, il y a plusieurs choses, et ça c'est intéressant, c'est que Emmanuel Macron a été, si vous voulez, les candidatures à l'élection présidentielle, c'est comme un tour de table, si vous voulez, dans une entreprise avec des actionnaires. Et donc Emmanuel Macron, au début, donc comme je l'ai rappelé, c'était une arme de Hollande pour torpiller Valls et Juppé. Et puis dans les milieux économiques, on a commencé à se dire bon, bah ce sera, de toute façon, ça peut être le premier ministre d'un gouvernement d'union nationale, pourquoi pas d'Alain Juppé, y compris pourquoi pas de François Fillon, parce qu'il y a des liens entre François Fillon et Emmanuel Macron, on peut y revenir. Alors ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, son discours, c'est de dire moi j'ai été dans le système, je sais ce qui ne marche pas. Et en vérité, selon Emmanuel Macron, ce qui ne marche pas, c'est les pesanteurs institutionnelles qui empêche le rouleau compresseur mondialiste d'avancer à un rythme plus soutenu. Alors, Xavier, rouleau compresseur du système, quand on lit ta dernière lettre, on a l'impression que le système est également derrière François Fillon, et notamment à travers cette figure dont tu dresses le portrait, c'est Henri de Castres, qui est l'homme des réseaux surpuissants. Alors, quand j'évoquais des liens entre les candidatures Fillon et Macron, typiquement, il y a Henri de Castres. Pourquoi ? Parce qu'Henri de Castres a présidé l'Institut Montaigne depuis juillet 2015. Je crois qu'il s'est récemment retiré de la présidence. Le même Institut Montaigne dont le directeur général Laurent Bigorgne accueillait le mouvement En Marche. C'est-à-dire que la domiciliation légale d'En Marche, c'était au domicile même de Laurent Bigorgne, qui était l'ancien bras droit de Richard Descoings. Donc là, on a déjà un lien, c'est-à-dire qu'Henri de Castres peut faire le lien. Henri de Castres fait d'ailleurs aussi le lien avec François Hollande et avec Ségolène Royal, puisqu'Henri de Castres était dans la même promotion, la promotion Voltaire, que François Hollande et Ségolène Royal. Il a financé en 2007 et Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. En 2012, il a appelé à voter François Hollande, et aujourd'hui, Il est alors qu'il était en lien avec Fillon déjà, voilà. C'est ce qu'on apprend dans ta lettre. Et aujourd'hui, il est un des piliers de la candidature Fillon. Alors, il faut bien comprendre, quand j'expliquais que la candidature, c'était un tour de table, c'est que la candidature Fillon, c'est une candidature qui va regrouper à la fois des réseaux qui sont pour un rapprochement avec la Russie, notamment via le député Thierry Mariani. Il y a aussi donc ces réseaux mondialistes très puissants via Henri de Castres. Il y en a d'autres, mais restons sur Henri de Castres. Et puis il y avait ce discours qui a plu, qui était ce discours gaullien, c'est-à-dire avec une posture internationale. Et ce qui plaisait moins, c'était ce qui venait des réseaux mondialistes, c'est-à-dire l'ultralibéralisme, avec notamment la privatisation de la sécurité sociale, qui a été perçue en plus comme un conflit d'intérêts, puisque Henri de Castres était le PDG d'AXA. Alors, il a participé également aux premières vagues de privatisation sous le gouvernement Balladur. C'est l'homme des privatisations. Oui, alors c'est tout le pendant libéral du projet de François Fillon. C'est-à-dire qu'il a œuvré en tant que... Donc, il sort deuxième de la promotion Voltaire. Il rentre à l'inspection générale des finances, puis au Trésor. Et là, il opère les privatisations, la vague de privatisation, pendant la première cohabitation à la fin des années 80. Voilà. Et donc là, il est débauché par Claude Bébéard, qui va en faire son successeur à AXA. Et au sein d'AXA, il va être coopté par les réseaux américains qui vont faire le fer de lance en France via la French American Foundation, et puis plus tard il deviendra président du groupe Bilderberg. Voilà. Ces choses-là ont été rappelées. Membre éminent du Bilderberg, dîner du siècle et club des 100. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'absolument central si on veut comprendre la politique. Dîner du siècle où il se permet de se faire représenter. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous êtes président du groupe Bilderberg, vous avez plus besoin d'aller et PDG d'AXA, vous n'avez plus besoin d'aller au dîner du siècle. C'est-à-dire qu'il envoie quelqu'un et lui, il est au club des 100 où là, disons, les gens détiennent le pouvoir. C'est beaucoup plus que le titre. Il représente intrinsèquement le pouvoir. D'accord. Et donc, ce qui... Et c'est là qu'a été le... Il faut bien comprendre que la candidature Fillon, c'était cette candidature libérale conservatrice qui s'est retrouvée face à ses contradictions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être libéral et conservateur. Le conservatisme ne peut être que révolutionnaire. Et donc là où François Fillon aurait dû partir dans une posture anti-système, il s'est complètement décomposé. Ça a commencé avec ses propos sur la communauté juive sur Europe 1, alors que Haïm Korsia, le grand rabbin de France, faisait campagne en sous-main pour Alain Juppé. Ensuite, François Fillon s'est désolidarisé de la visite en Syrie de Thierry Mariani. Donc même sur ses positions internationales qui étaient originales et qui renouait avec la ligne du Quai d'Orsay, disons, gaulo-mitterrandienne, il s'est renié. Ensuite, il a envoyé Gérard Larcher en Israël pour rassurer la communauté juive et les réseaux sionistes, tout en acceptant l'invitation d'Éric de Rothschild au mémorial de la Shoah. Avec le couple Klarsfeld, alors il est resté 2 heures. Alors il y a une déclaration, je me permets de la citer, Xavier, tu l'as mis dans la lettre. On mesure ici à quel point les Européens, les nazis singulièrement, mais aussi tous ceux qui leur ont prêté la main, et en particulier le régime de Vichy, ont commis le crime ultime. Le travail qui est fait ici au mémorial est un travail d'abord d'historien, mais aussi un travail de pédagogie, un travail de lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Au fond, ici, c'est la raison pour laquelle je suis venu. On se bat pour défendre les Juifs, pour lutter contre l'antisémitisme, mais à travers ce combat, on se bat pour défendre la France et la République. Il a quand même donné des gages de soumission assez importants. Non, mais là, à ce moment-là, il fait clairement tchouva. Et ce qui est intéressant, c'est que au lieu de ça, opportunément se déclenche l'affaire Pénélope Fillon, qui sont des faits qui lui sont reprochés. Il faut bien comprendre qu'ils peuvent être reprochés à absolument tous les hommes politiques. C'est-à-dire que pourquoi ça sort dans le Canard enchaîné à ce moment-là, pourquoi c'est relayé à ce point-là, et pourquoi on en fait un argument qui fait qu'aujourd'hui, on parle même d'une remise en cause de sa candidature. Donc après s'être aligné sur les positions de Jacques Chirac, le discours de 1995 du Veldiv, il se retrouve malgré tout absolument traîné dans la boue, à tel point que sa candidature pourrait être annulée. Et qu'est-ce qu'il vient de prendre comme avocat ? Qui a-t-il pris comme avocat pour se défendre dans l'affaire Pénélope Fillon, il prend Antonin Lévy, le fils de Bernard-Henri Lévy. Donc là, on voit bien que François Fillon est pris dans une cabale. On joue avec lui comme un chat avec une souris. Et que malgré la promesse du rouleau compresseur libéral, ses positions sur la politique internationale, et puis, il faut le dire, son catholicisme, sont quelque chose d'absolument insupportable pour les élites qui dirigent la France. Pour donner un exemple, à l'intérieur du Grand Orient, beaucoup disaient qu'en cas de François Fillon-Marine Le Pen, ils n'appelleraient pas à voter François Fillon. Les francs-maçons du Grand Orient de France, dans leur credo qui est « Abat la calotte, vive la sociale », se sentent finalement plus proches de Marine Le Pen que de François Fillon. Et donc, vraiment, la candidature Fillon pose de vrais problèmes. Et puis, ou même de Mélenchon, d'ailleurs. Ils se sentent plus proches de Mélenchon et de Marine Le Pen que de François Fillon, qui est un... Voilà, puis vraiment, je pense que profondément, c'est comme dans la chanson de Georges, c'est « Foutez-moi cet homme-là dehors, c'est un sale catholique, quoi ». C'est-à-dire que François Fillon, ça ne va pas. Donc, et puis, il y a eu donc, les passerelles qui s'étaient tissées entre les candidatures François Fillon et Emmanuel Macron se sont rompus, et on voit aujourd'hui que c'est clairement Emmanuel Macron qui est intégralement promu. Alors d'ailleurs, il y a un signe très intéressant sur Emmanuel Macron, c'est on voit très bien le niveau de protection d'un homme politique à certains marqueurs. Je vais donner un exemple, par exemple Florian Philippot, tout le monde savait qu'il était homosexuel. Bon, bah, au bout d'un moment, c'est sorti dans Closer, il allait faire un week-end à Vienne avec un copain à lui, journaliste, et il y a eu les photos du week-end, les photos volées dans Closer sur papier glacé où ils passaient bien pour des cons, quoi. En plus, avec les commentaires bien fielleux, les photos choisies, et ainsi de suite. Emmanuel Macron... Il est marié à une femme qui est de 20 ans son aînée, je crois. Voilà, son ancienne prof de français, Brigitte Trogneux. Donc déjà, rien que ça en soi, c'est... Surtout, Emmanuel Macron, tous les journalistes de Paris le savent, a une double vie. Il y a déjà eu des allusions qui ont été faites dans les médias, du type Cyril Eldin, dont les équipes sont allées demander pourquoi Emmanuel Macron portait deux alliances. Pareil, une référence à Guillaume Pépi et Richard Descoings. Donc cette histoire de double vie... Tout le monde la connaît dans Paris et elle ne sort pas dans la presse. Et à la place de ça, on a des couvertures papier glacé toutes les semaines avec Emmanuel Macron, Brigitte, Emmanuel Macron, Brigitte, Emmanuel Macron, Brigitte. Et donc, ça, pour moi, ça, c'est vraiment le marqueur d'un signe de protection très, très, très, très forte d'Emmanuel Macron. Alors, pour revenir un peu sur cette primaire, on a vu donc l'éviction de Valls, hein, qui nous a réjouis. Et alors, dans ta dernière lettre, Xavier, on apprend... Enfin, tu émets l'hypothèse selon laquelle le candidat Hamon, qui a été élu donc hier à la suite des primaires, peut potentiellement se rallier à Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que Benoît Hamon a réussi l'exploit d'apparaître comme le candidat de la gauche de la gauche. Or, Benoît Hamon, c'est un Breton, il vient de ce qu'on appelle ces chrétiens de gauche, c'est-à-dire le PSU, les réseaux rocardiens. Et en fait, il est issu exactement du même socialisme que Manuel Valls. Et ses deux mesures principales, ça a été la libéralisation du cannabis et le revenu universel, qui sont deux choses qui fonctionnent un peu ensemble. C'est-à-dire que c'est un pack, quoi. On vous donne de l'argent et vous pouvez fumer du cannabis. Et ce revenu universel, c'est pas une mesure sociale, c'est une mesure qui vient en réalité des cénacles mondialistes et qui vient de très loin. C'est-à-dire que, par exemple, ça a été discuté au dernier sommet du groupe Bilderberg. C'est actuellement en test dans un département français du sud-ouest, alors je sais plus lequel. Et surtout, Manuel Valls, quand il a inauguré ce test dans un département français du revenu universel, a loué cette mesure comme étant quelque chose de formidable. Et Emmanuel Macron, si vous reprenez ses déclarations anciennes, n'était pas du tout opposé au revenu universel. Donc c'est vraiment comme un lièvre qui fait avancer des idées auxquelles les gens ne sont pas encore prêts, puisqu'il y a toujours cette dialectique, cette sémantique de « il faut que les peuples soient prêts pour », est-ce qu'ils sont prêts pour le mariage homosexuel, est-ce qu'ils sont prêts pour le revenu universel ? Et donc Hamon fait avancer ces idées-là. Alors ensuite, Hamon, maintenant, est dans un créneau de gauche de la gauche. Est-ce qu'il va se rallier à Jean-Luc Mélenchon, voyant que sa candidature ne ferait pas assez de voix ? Alors là, les sondages, à mon avis, sous-estiment la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il est bien plus haut que ce que les sondages... les sondages indiquent. En plus, il y a une stratégie sur Internet qui est assez performante, qui est d'ailleurs assez largement... On a l'impression que Mélenchon est poussé. Pompé de ce qu'a fait Égalité et Réconciliation depuis des années. De toute façon, tout ça est très difficilement lisible. Alors pour l'instant, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que François, à l'heure où on parle, c'est que François Fillon pourrait se retirer. Emmanuel Macron apparaît comme le candidat du système. Marine Le Pen, tout le monde a à peu près acté qu'elle serait au deuxième tour. Et on a Mélenchon en embuscade qui, à mon avis, il ne faut pas sous-estimer Mélenchon. Mélenchon, à mon avis, peut être au second tour, parce que ce qu'il représente, et puis la colère populaire, il peut incarner une certaine colère populaire, notamment dans un électorat, disons, de fonctionnaires et issus de l'immigration. Alors, sur Marine Le Pen, ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen va se... Marine Le Pen va subir... des campagnes de presse d'une grande violence. On a déjà vu sur France 3 l'autre soir un documentaire qui attaquait le Front National sur les réseaux homosexuels, alors que dans le même temps, on voyait sur France 2 chez Élise Lucet un documentaire attaquant Donald Trump sur ses liens avec le sionisme et avec Israël. C'est-à-dire que bientôt, on va nous expliquer qu'il y a un complot judéo-homosexuel contre l'Union européenne. C'est-à-dire que le système vacille tellement qu'il en vient à user des arguments qui sont complètement délirants. Voilà. D'accord. Et alors moi, la question qui me vient, c'est est-ce que le système s'accommoderait d'un deuxième tour avec Mélenchon comme candidat ? De toute façon, quelle que soit la configuration, on va rigoler, parce que si Mélenchon appelle à voter Macron, si Macron appelle à voter Mélenchon, de toute façon, toutes les contradictions seront mises en pleine lumière. Alors, il faut bien rappeler quand même que Mélenchon a été 32 ans au Parti Socialiste, qu'il est franc-maçon, c'est ça, Xavier, tu confirmes ? Oui. Qu'il a voté Maastricht, qu'il n'a pas quitté son poste de ministre au moment des privatisations sous le gouvernement Jospin, autoroute du sud de la France, Air France, etc. Donc, évidemment, de ce point de vue-là, Mélenchon n'a rien à révolutionnaire. Alors, cela dit, sur la candidature Macron, parce que faut bien remettre ça dans cette purge que nous vivons, c'est-à-dire que Alain Juppé est tombé, Nicolas Sarkozy est tombé, Manuel Valls est tombé, on a oublié quelqu'un, Sarkozy, Hollande, Valls. Poisson. Voilà. J'ai récupéré ce billet de Raphaël Glucksmann qui est paru dans l'Obs, donc fin décembre, où il revient justement sur Emmanuel Macron, le nouveau champion des sociaux libéraux. Et il dit que l'année 2016, fut la fin de l'époque du laisser-faire, du laisser-aller, où la puissance publique s'offrait aux gestionnaires et aux communicants. Goldman Sachs et Euro-RSCG menaient la danse. Donc lui, il dit, cette gauche sociale libérale est morte. Alors, c'est intéressant quand même la définition qui donne du social-libéralisme. Il dit, c'est Goldman Sachs et Euro-RSCG. Donc là, déjà, il y a quand même un aveu. Et il dit, les sondages flatteurs d'une autre étoile montante, Emmanuel Macron, n'y changeront rien. La crise politique, idéologique, philosophique du social-libéralisme surpasse les questions de casting. Elle révèle, paradoxe terrible pour une gauche dite moderne, une profonde inadéquation à l'époque. Les idées, les slogans, les partis que nous avons portés, lancés, soutenus, sont devenus inaudibles. Nous qui croyons encore au projet européen, au cosmopolitisme républicain, à la société ouverte, l'open society, à la société ouverte, sommes ébranlés. Nos principes et nos mots filent de l'urticaire à un nombre croissant de nos concitoyens. Comment en effet croire aux envolées lyriques sur le vivre ensemble prononcées par ceux qui ont si longtemps vécu séparés ? Comment défendre une Europe dont le principal argument de vente est un refrain éculé sur le risque d'un retour aux années 30 ? Comment un chômeur de Picardie peut-il croire à la mondialisation, lui qui n'a pas fait Erasmus et n'a jamais été aussi isolé qu'à l'heure de l'homme global et des réseaux planétaires ? Blâmer nos adversaires réactionnaires, souverainistes, nationalistes ou xénophobes pour nos propres échecs relève d'un narcissisme désuet. Pour les combattre efficacement, des clips, des concerts ou des incantations morales ne suffiront pas. Donc là, on a clairement Raphaël Glucksmann qui nous dit Emmanuel Macron est notre poulain, c'est-à-dire la suite de Nicolas Sarkozy, François Hollande. Et il nous dit, ce n'est pas sûr que ça marche parce que la lame de fond est trop puissante. Et François Hollande dans tout ça, parce que donc il est à la tête de, cette destruction du Parti Socialiste, mais finalement sa réaction est assez étonnante. On s'attendait, Xavier, à ce que François Hollande s'accroche au pouvoir malgré tout. Mais François Hollande, alors, François Hollande dans sa psychologie, c'est un homme de la 4ème République, ça faut toujours le garder à l'esprit. Et François Hollande, c'est un président du Conseil. Et après tout, pour que la République se maintienne, il est prêt à passer le flambeau. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça se voit vraiment trop que Macron est piloté depuis l'Élysée. Parce que, par exemple, son voyage au Liban, un article est sorti sur un site alternatif qui s'appelle Le Vent se lève, qui expliquait comment Emmanuel Macron avait été hébergé à l'ambassade de France au Liban et comment tous ses rendez-vous, donc avec Michel Aoun, président libanais, le Premier ministre Saad Hariri, le patriarche maronite Béchar Haraï, tous ces rendez-vous avaient été organisés par l'Élysée et par le Quai d'Orsay. Pour donner une stature internationale à Macron. Voilà, exactement. Et alors l'Élysée s'est senti obligé d'apporter un démenti à un site vraiment confidentiel. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qui a derrière Macron, c'est-à-dire qui a organisé les levées de fonds. Et là, on apprend qu'il y a des banquiers d'affaires, donc tu parles de Jean Riaki, Bernard Mourad. Voilà, alors ça c'est très intéressant. Par exemple, pour bien comprendre les réseaux profonds d'Emmanuel Macron, c'est le ralliement de Bernard Mourad. Donc Bernard Mourad, il était banquier chez Morgan Stanley, et c'est lui qui a fait tous les montages pour le compte de Patrick Drahi dans sa formation d'un groupe de médias, donc Altice Media Group, puis qui est devenu SFR Media, pour le compte du gouvernement israélien, notamment sur la question de I24 News. Et donc ensuite, donc ce banquier chez Morgan Stanley a pris la tête de Altice Media Group, et puis finalement il a laissé la tête d'Altice Media Group pour rejoindre En Marche. Et on apprend d'ailleurs dans ta lettre que ces levées de fonds, alors j'ignorais que la limite, le plafond légal des dons individuels est de 4 600 € pour une campagne présidentielle et de 7 500 € pour un parti politique, mais ces plafonds étaient explosés justement lors de ces levées de fonds organisées par Bernard Mourad, puisque le montant de la place pour assister, à mon avis, je pense, à une sorte de conférence d'Emmanuel Macron, était chiffré entre 10 000 et 15 000 euros. Oui, c'était levé de fonds sur le modèle américain, ce qui existait assez peu finalement en France, et puis qui s'impose tout doucement. Et qui est introduite par Sarkozy notamment. Voilà, Emmanuel Macron a fait d'innombrables levées de fonds, notamment à Londres. Et donc tu dis, alors Xavier, autre information intéressante, tu dis que le parti progressiste, ou je ne sais pas comment il va se nommer, enfin le futur parti socialiste, sera créé à la suite des présidentielles. Oui, parce que, et c'est central pour le comprendre, c'est que là, l'exploit qui est en train de réussir Emmanuel Macron, c'est d'arriver à voler la vedette anti-système, alors qu'il a été au gouvernement pendant 5 ans, qu'il est issu de l'inspection générale des finances et de la banque Rothschild, de la commission Attali. Il est, comme l'a rappelé Alain Minc, l'incarnation du système. Et il est en train de réussir cet exploit. Mais pour réussir cet exploit, il faut qu'il soit un candidat transcourant et un candidat au-dessus des partis. Donc c'est pour ça que le parti progressiste se créera, je pense, à l'occasion des élections législatives. Le parti, mais tout ça est en germe depuis extrêmement longtemps, hein, depuis Gilles Finkelstein, et c'est vraiment la liquidation du mot socialiste. Il ne faut plus que le mot socialiste apparaisse. C'est vraiment ça le problème, parce que après tout, la politique antisociale, elle est appliquée depuis le tournant de la rigueur en 83, ensuite l'acte unique européen en 84, enfin ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est pas un problème de politique. C'est vraiment un problème de sémantique et que de plus être emmerdé avec ce concept du 19e siècle. Et de se calquer sur le modèle américain des républicains et des démocrates. Voilà. Et alors, ce qu'il y a aussi en germe avec Macron, c'est l'ascension d'une nouvelle génération d'énarques. Donc, c'est la promotion Léopold Sédar Senghor, et qui est une promotion qu'on compare déjà à la promotion Voltaire. Donc, promotion Voltaire dont étaient issus Dominique de Villepin, Ségolène Royal, François Hollande, et ainsi de suite, qui a été considérée comme une des plus brillantes, ben Henri de Castres également, des plus brillantes promotions de l'ENA. Donc là, on va avoir la promotion Léopold Sédar Senghor, où ils commencent absolument tous à rentrer au Club Le Siècle. dont est issu Emmanuel Macron. Et donc, dans cette promotion, vous retrouvez par exemple Boris Vallaud, donc, qui est monsieur Najat Vallaud-Belkacem, pareil, qui a été au cabinet de François Hollande à l'Élysée. Vous retrouvez Sébastien Proteau, qui est associé gérant chez Rothschild et qui rédigeait le programme économique de Nicolas Sarkozy. Vous retrouvez Mathias Vichra. Alors lui, il a un parcours, il est passé du cabinet de Bertrand Delanoë à la direction de la SNCF aux côtés de Guillaume Pépi. Vous voyez, pour situer un peu le personnage, vous avez Sébastien Veil, qui est le petit-fils de Simone Veil. Enfin, vous avez toute une galerie de personnages qui sont peu à peu en train. Et évidemment, Gaspard Ganzer, qui était community manager de François Hollande. Donc, quand vous voyez les tweets de l'Élysée ou de François Hollande sur Internet, c'est Gaspard Ganzer qui les rédige. Donc, lui, c'est un professionnel de la communication. Quand il a été nommé, il avait seulement oublié de supprimer de son Facebook des images de lui en soirée où on le voyait en train de fumer des joints. Voilà. Donc, si vous voulez, Emmanuel Macron, c'est le candidat du mondialisme, c'est le candidat de Hollande pour sauver les élus socialistes, de la redéfinition du Parti socialiste en partie du progrès, et c'est l'ascension de la promotion Cédar Senghor, la prise du pouvoir de cette nouvelle génération d'énarques. C'est ça qui est appelé le renouvellement. C'est également le candidat des banquiers, Xavier, et il y a une brève très intéressante dans ta dernière lettre, alors je vais la lire parce qu'elle est selon moi fondamentale. Le directeur général adjoint de l'agence de notation Moody's, Dietmar Hornung, menace la France de rétrogradation en cas de présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, jugeant évidente l'abaissement de la note financière de stable à négatif dans ce cas. Toutefois, la menace sur la notation de la France ne persistera pas si au second tour, François Fillon ou Emmanuel Macron est celui qui gagne. Dans cette brève, Xavier, est contenu tout simplement l'annulation du principe même de démocratie. Oui, évidemment, les agences de notation, les banques voient d'un très mauvais œil, pour eux, ce serait une catastrophe, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. D'ailleurs, Et en abaissant, alors faut rappeler aux auditeurs qu'en abaissant la note de la France sur les marchés financiers, ça augmentera mécaniquement les taux d'intérêt que nous paierons. Voilà, exactement. Donc ça a des conséquences très très graves. Exactement, mais je vais citer, au lendemain de l'élection de Donald Trump, dans le Financial Times, Gideon Reichman, donc c'est un éditorialiste important, il analyse les conséquences énormes d'une éventuelle victoire de Marine Le Pen en mai prochain. Donc là, il dit 4 des 5 sièges des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU seraient alors occupés par des régimes non démocratiques, entre parenthèses Chine et Russie, ou par des gouvernements dirigés par des nationalistes et des politiciens d'extrême droite, entre parenthèses États-Unis et France. Dans ces circonstances, l'ordre légal international pourrait s'effondrer. L'effondrement de l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Les électeurs français qui auraient pu craindre qu'une présidence Le Pen marginalise leur pays pourraient maintenant considérer la victoire de Trump comme une sorte de permission de voter pour le Front National. Voilà, donc ah oui. Ça c'est vraiment la crainte. C'est pour ça que l'élection présidentielle française est absolument centrale. C'est-à-dire que là on sent bien que c'est l'élection de Donald Trump a marqué le début d'une nouvelle ère. C'est un événement absolument gigantesque, comparable à la chute du mur de Berlin, voire plus important, peut-être même le début du XXIe siècle, peut-être même le véritable début du XXIe siècle. C'est la fin de la parenthèse qu'on a appelée la parenthèse de la fin de l'histoire, hein, d'après Francis Fukuyama, qui avait commencé en 1989, avec où le libéralisme et l'époque du libéralisme et du mondialisme triomphant. Et avec Trump, on arrive vraiment à la fin de cette époque. Et les mondialistes n'ont plus que comme base comme place forte la France. Et donc, je pense que vraiment Marine Le Pen va vraiment déguster dans les mois qui viennent en termes de rouleau compresseur médiatique. Alors, ce qui est très étonnant, Xavier, et c'est ce que j'ai appris dans ta dernière lettre, c'est qu'il y a un Bilderberg chinois. Oui, alors ça, c'est justement à propos de l'élection de Trump. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de la relation future entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Or, cette relation, elle semble courue d'avance, c'est-à-dire que les deux pays vont avoir leur sphère d'influence. C'est une entente politique. Voilà, et qu'on va avoir non pas une alliance, mais une entente cordiale, et on ne sera pas dans une hystérie américaine anti-russe, comme ça aurait été le cas avec Hillary Clinton. Alors qu'au sujet de la Chine. Voilà. Alors au sujet de la Chine, ce qui est très intéressant. Plus économique. Voilà. Donc là, on va aussi revenir à François Fillon. Parce que, vous allez comprendre pourquoi, parce que, si vous voulez, le groupe Bilderberg avait pour objectif, dans le giron américain, d'être une passerelle et un groupe de direction mondialiste entre l'Europe et les États-Unis. Voilà. Et pour ce... C'est pourquoi Henri de Castres a une place éminente dans ce groupe. Voilà, il le préside, pour ainsi dire. Et Henri de Castres se trouve être le seul membre français de l'université de Tsinghua, alors du conseil consultatif de l'université de Tsinghua. Alors qu'est-ce que c'est que ce conseil consultatif ? C'est l'équivalent du groupe Bilderberg pour la façade pacifique, pour l'Asie et notamment la Chine. Alors, c'est un conseil consultatif. On nous explique que c'est le conseil consultatif d'une université, donc qui est l'université de Tsinghua. C'est une université qui se trouve à Pékin et qui est l'école de formation des élites chinoises. Et quand on va sur le site de cette université, on nous explique que c'est pour contribuer à des idées et formuler des stratégies pour faire de Tsinghua une école de classe mondiale, promouvoir le développement du corps professoral et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, quand on regarde la liste des membres, c'est vraiment très clair. Donc le président, c'est David Rubenstein, donc, qui est cofondateur et coprésident de Carlyle. On retrouve Lloyd Blankfein, donc, qui est directeur général de Goldman Sachs. Et on retrouve tous les pontes de la finance. Jamie Dimon, qui est PDG de JP Morgan. Tim Cook, directeur général de Apple. Vraiment tout ce qui compte dans la finance transnationale. Et ces gens-là se retrouvent, alors il y a à peu près 30 ou 40 membres, et se retrouvent avec des dignitaires du Parti communiste chinois. Alors c'est l'ironie de l'histoire, c'est on voit bien les maîtres du monde libre avec les gardiens de l'usine du monde. Et je pense vraiment que la relation qu'il va falloir, le facteur central qu'il va falloir suivre, c'est la relation d'une part entre Donald Trump et la finance, parce que comme l'épée de Damoclès, c'est la dette américaine. Hein ? On sait que la Chine détient la plus grande quantité de bons du trésor américain. Donc la relation à suivre va être la relation entre les Chinois, la finance Parce qu'il y a une interdépendance très forte entre les États-Unis et la Chine détenant ses bons du trésor et l'Amérique important tous les biens, les produits de consommation de base produits en Chine. Voilà, et si cette étrange alliance entre le Parti communiste chinois et la finance de Wall Street venait à se concrétiser, est-ce que la Chine, le peuple chinois ne pourrait-il pas être finalement l'armée de réserve du mondialisme, de la même manière que le peuple russe l'a été pendant la Seconde Guerre mondiale? Puisqu'on sait que l'un des programmes forts, l'une des promesses électorales fortes de Donald Trump, c'est la réindustrialisation des États-Unis. La relocalisation. Qui viendrait en contradiction avec la stratégie élaborée. De jouer le capitalisme national productif contre le capitalisme financier. Donc ça vient en contradiction avec ce groupe Bilderberg chinois. Et est-ce que les élites financières vont tenter une alliance avec le Parti communiste chinois? Je pense que ça, c'est vraiment un élément à suivre. Chers auditeurs, Alain Soral vient de nous rejoindre. Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous. Alors, hier soir, Valls a été éliminé des primaires socialistes. Éjecté même. Comment vous avez vécu ce grand moment ? C'est un grand moment parce que, on s'était engagé dans cette campagne. Deux, on voit que ça a fonctionné, puisque non seulement il a été éjecté, mais que des milliers de gens ont joué au petit jeu qu'on leur avait proposé, ou l'ont fait spontanément, c'est-à-dire de se filmer en train de voter à Mont, de se filmer en train de déchirer le petit bulletin Valls. Donc voilà, c'est... Et puis surtout, n'oublions pas que Valls nous a déclaré la guerre à Dieudonné et à moi, violemment, et qu'il a mis toute sa puissance d'État au service de notre persécution. Donc c'est un... c'est comme quand le jour où on renverse le dictateur, quoi, hein, ça fait du bien. Et surtout, ça confirme une chose, c'est que les Français n'ont pas envie de porter à la tête de l'État un type qui ne se bat uniquement pour aider Israël, quoi. Ça les intéresse pas. Ils préféraient que le type s'intéresse à la France et aux Français. Donc c'est une belle sanction et aussi c'est un message à envoyer aux autres. C'est-à-dire que avec le soutien inconditionnel du CRIF et donc de la maison mère Israël, vous avez sans doute la bienveillance des médias. Vous avez sans doute des tas de réseaux à votre disposition. Mais il y a quelque chose que vous pouvez pas faire, c'est inverser la tendance des urnes, hein, parce que il y a des limites. Donc en fait, Valls a cru, un peu comme Marine Le Pen d'ailleurs d'une autre manière, qu'il arriverait au pouvoir en passant par la case Israël. Et en fait, c'est ce qui a causé sa perte. Donc c'est un bon message à envoyer aux autres. Hein. Finalement, on ne se fait pas élire par Israël. Ça a à voir un peu avec Trump aussi, puisque Hillary Clinton était aussi la candidate du tout-puissant lobby. Trump avait dit « Je n'ai pas besoin de votre argent, je sais que vous ne m'aiderez pas, mais à la limite, j'en ai pas besoin et peut-être que je ne suis pas si dangereux pour vous », ce qui était d'ailleurs pas faux. Et c'est lui qui a été élu aussi. Donc je vois un lien, moi, une tendance forte en ce moment. Et même avec Nicolas Sarkozy chez les Républicains. Oui, il faut pas oublier, oui, parce que Valls, c'était quand même un petit Sarkozy de gauche, hein. Un petit teigneux qui concevait la politique comme un braquage, un peu. Hein. Et il a raté son braco, quoi. Mais alors, il y a une apparente contradiction, puisque si Valls était l'homme d'Israël, pourquoi le système l'a-t-il lâché ? Puisqu'on voit en ce moment qu'ils sont en train de choisir Macron plutôt comme Poulain. Non, mais ils l'ont lâché parce qu'ils ont vu que c'était plus le cheval gagnant. C'est-à-dire, la communauté de lumière n'a aucun respect pour je vais le dire crûment, pour les goy qu'elle met au tapin. Dès lors qu'ils ont vu qu'il était perdant et perdu, ils ont tout rabattu, tout remisé sur Macron. Donc ça aussi, c'est un message à bien enregistrer. C'est que, rappelez-vous De Gaulle après novembre 67, rappelez-vous Mitterrand à partir de la Francisque, c'est que ces gens-là, une fois que vous ne leur servez plus à rien, ils vous abandonnent, pour eux, vous n'existez pas. Et on peut parler d'ailleurs à ce sujet-là de l'étrange candidature Peillon. Puisqu'en fait, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais Peillon, c'est le canal historique. Hein. Voilà. C'est la communauté alsacienne. Et normalement, on passe par eux. Hein. Et Julien Drey qui a mobilisé Peillon à la va-vite au dernier moment. Oui, c'était une sanction contre Valls, qui, voilà, lui, a court-circuité le canal historique de la communauté, hein, incarné par Peillon, c'est-à-dire les seuls juifs français authentiques, hein, ce qui est avec les juifs d'Avignon, qui sont les juifs alsaciens. Et lui, il est passé directement par la maison mère, c'est-à-dire Israël, par Netanyahou. Et en fait, il s'est mis à dos. Si on regarde bien, Valls s'est mis à dos à peu près tout le monde, je veux dire, dans son propre camp. Hein. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire du bourrage d'urne. Parce que je rappelle que, pour ceux qui avaient peur du bourrage d'urne, j'ai dit que ça ne serait pas faisable, et j'avais, de temps en temps, j'ai raison, peut-être même souvent. Rappelez-vous que Ségolène Royal, une fois qu'elle avait perdu la présidentielle, on l'a empêchée de prendre le parti. Et elle, il y a vraiment eu un braquage. Les socialistes sont, un peu comme dans le temps les communistes, sont assez, assez coutumiers, hein, du traficotage et du bourrage d'urne. Ségolène Royal, ils avaient pu la virer parce qu'il y avait un consensus contre elle au PS. En fait, Valls n'a pas pu faire de bourrage d'urne parce qu'il n'y avait pas de consensus pour lui. Il faut voir que Peillon, c'est-à-dire le canal historique de la communauté de lumière, était contre lui. Le parti socialiste traditionnel, authentique, était contre lui. L'Élysée. Bien sûr, l'Élysée, parce que ça, on va en parler. Je crois que, de toute façon, le vrai combat à mort, c'était que Valls a mis toute son énergie pour empêcher Hollande de se représenter. En pensant qu'une fois qu'il empêchait Hollande de se représenter, ou qu'il imposait une primaire, parce que tout ça a été fait pour lui au départ. Hein. La primaire, c'était pour lui. Et il fallait qu'il gagne la primaire, il fallait qu'il empêche Hollande de se représenter pour être le candidat du PS. Et tout son travail a été fait pour ça, et c'est un échec total. Hein. Et d'ailleurs, comment expliquer cette montée en puissance d'Hamon ? Personne ne l'a vu venir, finalement, lui. Mais Hamon, il est là par défaut. En réalité... Hamon, il a cristallisé sur lui l'anti-valsisme et aussi la nonchalance d'un Montebourg. Voilà, puis c'est aussi les élus socialistes qui, voyant la stratégie de Valls qui mettait à dos l'électorat musulman de banlieue, se sont rabattus sur Hamon qui a repris la ligne Pascal Boniface genre il faut être un peu pro-palestinien. C'est vrai que là, il faut bien rappeler que depuis que la gauche socialiste a lâché les ouvriers, elle a eu deux stratégies, c'est de draguer les homosexuels, ça a soumis Mitterrand, c'était le travail de Jacques Lang, et c'est Pierre Berger qui continue à faire le relais. Mais ça, c'est passé à Macron. Hein. Voilà. Macron, c'est le candidat de la gauche homosexuelle. C'est-à-dire qu'il ne reste de gauche que l'homosexualité. J'ai toujours dit que se faire enculer n'était pas une activité politique, mais une activité de loisir apolitique. Hein. Bon, bah, ça sera un autre débat. Et sinon, l'autre stratégie de la gauche socialiste, c'était de draguer les immigrés. Terra Nova. Hein, voilà, c'est Terra Nova. Donc, effectivement, le calcul, c'est que être bien avec la communauté de lumière, avoir le CRIF dans la poche et Israël, c'est bien pour la communication, pour la non-diabolisation, etc. Mais en termes de vote, la communauté de lumière ne représente que 600 000 personnes en France. Si on enlève les enfants, il reste 300 000. Ça veut dire qu'il y a 150 000 qui votent à gauche, 150 000 qui votent à droite. Ça ne peut pas faire basculer une élection. Alors qu'à Mons, c'est nuit debout. C'est-à-dire ceux qui rêvent de passer leur journée couchée, en réalité. C'est-à-dire la jeunesse qui veut le revenu universel, là, et la dépénalisation du shit. Et ça, malheureusement, au niveau d'abrutissement où en est la gauche, là, on ne parle pas de Mélenchon qui essaye de réhabiliter et de revenir un peu sur des choses sérieuses comme les rapports de classe. Hein. On voit bien que c'est ça son destin. Aujourd'hui, c'est d'incarner, là, on va dire, l'illusion d'une vraie gauche. Hamon incarne la gauche droite de l'homiste étudiante de la France effondrée dans toute sa splendeur. C'est pour ça que nous, on a appelé à voter Hamon, pas du tout pour Hamon, parce qu'Hamon, c'est la catastrophe. Hamon, c'est le candidat, on va dire, de la connivence des parasites. C'est de dire, puisque le grand capital aujourd'hui n'est plus entrepreneurial ni industriel, mais parasite et financier, laissez-nous aussi, nous, le droit au parasitisme. C'est-à-dire, on vous laisse la gestion des affaires parce que c'est trop compliqué pour nous, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé, mais en échange, vous nous donnez le chichon et le revenu universel. C'est pas avec ça qu'on va sauver, je dirais même l'homo faber, c'est-à-dire la possibilité d'être un homme, et puis aussi le fait de, comme le disait d'ailleurs très bien Valls, où on va chercher l'argent. Hein. Donc évidemment, Hamon n'a aucun avenir. En réalité, il est pris en tenaille entre Macron et Mélenchon. Et il ne peut pas rallier Macron. Hein. Il ne peut que rallier Mélenchon. Donc est-ce qu'à un moment donné, Mélenchon est quand même bien plus puissant que lui, en réalité, je crois, à tous les niveaux. Moi, je crois que Hamon n'aura pas d'autre choix à un moment donné que de se désister pour Mélenchon, peut-être même avant même la présidentielle. Hein. C'est-à-dire est-ce qu'il serait un baiser de la mort pour Jean-Luc Mélenchon, parce que le programme de Hamon et le programme de Mélenchon, contrairement aux apparences, c'est en réalité très différent. Oui, parce que Mélenchon, c'est le seul candidat politique sérieux qui existe avec, le Front National. Et je ne dis même pas Marine Le Pen, je dis le Front National. Parce que c'est une candidature réellement politique qui tient compte des réalités sociales et des réalités même géopolitiques, puisqu'on voit que Mélenchon a quitté l'atlantisme et s'éloigne progressivement de toutes ces trahisons. Parce que je rappelle que Mélenchon, c'est deux fois sénateur, oui, à Maastricht. Donc c'est un traître, mais c'est un traître qui sait ce qu'il a trahi. Ce qui est différent de Hamon, qui, lui, est dans le néant politique, en réalité, c'est-à-dire de plaire aux jeunes. Aux jeunes. Hein. Non, puis la légalisation du cannabis, c'est quoi? C'est la Californie. Et le revenu universel, c'est de faire de la France une région de consommation encore plus que ça l'est dans le projet mondialiste. Donc ça veut dire que c'est valider la désindustrialisation, voilà. C'est valider le chômage de masse, mais c'est la continuation du projet rocardien du RMI. À l'époque, le RMI, c'était la deuxième, on valide la deuxième gauche, c'est-à-dire on ne lutte plus contre le capital, on accepte que la France perdre tous ses emplois et devenir un pays uniquement de tertiaire. Mais comme il faut éviter la révolution et la misère et la révolution, on fait payer aux salariés qui travaillent encore le RMI qui est devenu le RSA. Parce que le RSA n'est pas payé par le grand capital, c'est ça le problème. Il est payé par les gens qui travaillent encore, les PME, les PMI, l'impôt sur les sociétés, etc. Donc en fait, la continuation du RMI et de cette logique de deuxième gauche rocardienne, ça arrive au revenu universel. Parce qu'avec le RMI, ça peut être un complément temporaire. Avec le revenu universel, vous réglez définitivement le problème de l'emploi, du chômage et de les stratégies de désindustrialisation et donc de planification mondialiste de la production et de la consommation, où la France, à un moment donné, n'étant plus rentable à cause de ce haut niveau de standard social, on décide qu'il y aura de moins en moins de travailleurs français en dehors des métiers de service qui ne peuvent pas occuper une population complète, hein, c'est-à-dire le tourisme, la restauration, les assurances. Et donc, à ce moment-là, c'est bon, Hamon, il dit en gros, j'accepte ça. Donc je renonce à une politique de gauche, je renonce au combat social, je renonce à la politique, mais pour ça, vous me donnez 1400 euros par mois. Et ça fixe tout le monde dans la jeunesse étudiante actuelle qui fait des sciences molles pendant 10 ans. Enfin, c'est vraiment nuit debout, quoi. Et nuit debout, c'est quoi? C'est journée couchée. Puisque quand on passe la nuit debout à raconter des conneries dans la rue en fumant des clopes et en buvant de la bière et de la mauvaise vinasse, la journée, on dort. Donc, effectivement, Hamon, c'est une catastrophe politique, mais on s'en fout. Hamon, il représente quoi au premier tour ? Même pas 10%. Et je pense que pour pas peser moins de 10%, il ne se présentera pas. Je pense qu'il a intérêt à avoir un ticket avec, avec Mélenchon. Et Mélenchon, lui, peut jouer... Le plus formé en politique de tous, c'est Mélenchon, pour moi. Hein. Il a 35 ans de métier. Il est capable de... Enfin, il est capable de donner l'illusion d'être un vrai candidat, on va dire, social. Et il est le plus dangereux pour le vote Front National. Et c'est quand même ce qui intéresse le système. Hein. C'est la nouvelle bourgeoisie dégénérée, il y aura Macron. C'est le rêve de la start-up. Hein. Ça, c'est les petites élites urbaines de type bisexuel, cocaïne et soirée branchée. Pour le peuple du travail en souffrance, le ticket, ça sera soit le vote Front National, tendance Philippot, soit le vote Mélenchon. Donc l'homme politique dont le système a le plus besoin pour empêcher l'accession du Front National au pouvoir, puisque c'est leur seule obsession, c'est quand même Mélenchon. Hein. Même s'ils ne le savent pas forcément encore. Oui, mais ils y viendront, parce qu'il y a des fondamentaux. La politique, c'est des plaques tectoniques. Hein. Et là, résiduellement, qu'est-ce qu'on a ? On a Fillon. Fillon, qui est le candidat de la bourgeoisie en pré-retraite catholique culturelle, qui n'existe que parce que Marine Le Pen a commis la bêtise stratégique de penser que la question de la manif pour tous et de la famille traditionnelle n'était pas plus un problème social que la culture du bonsaï, qui est une citation de Philippot. Effectivement, parce que Philippot, en tant qu'homosexuel, comme Macron et même comme Fillon d'ailleurs, il faudra peut-être le dire un jour, hein, se pose pas ce genre de questions fondamentales. Donc en fait, Fillon n'existe que parce que le Front National a eu une stratégie déséquilibrée, parce que sinon le Front National couvrirait aussi le champ Fillon. Et Fillon, n'oubliez jamais que c'est jamais qu'un petit personnage politique de second plan, qui a existé dans l'ombre de Sarkozy, qui est un gagne-petit comme tous les politiques, parce que ce qu'on lui reproche avec sa bonne femme, tout le monde le fait à ce niveau-là. Le problème, c'est quand on est candidat à la présidentielle et qu'on fait peur parce qu'on incarne finalement un tout petit sursaut de la bourgeoisie catholique traditionnelle, donc on fait peur notamment à certains puissants lobbies, le canard enchaîné va chercher effectivement ces petites magouillettes politiciennes qui consistent à passer de 10 000 à 15 000 euros par mois en filant la moitié de son enveloppe à sa femme, mais ils le font tous. Le problème, c'est quand on veut avoir une stature présidentielle et qu'on n'est pas le favori du système parce qu'on est un peu trop catholique, on se prend ça dans la gueule. Mais ça veut dire simplement que Fillon est un tout petit candidat qui, en fait, a créé la surprise. Parce que Sarkozy s'est fait sortir, comme Valls s'est fait sortir pour les mêmes raisons, et que Juppé a été trop rigide pour ne pas comprendre que gagner une primaire à droite, c'était pas comme gagner une présidentielle contre le Front National. Et finalement, Fillon, sa grande performance, ça a été de gagner la primaire, exactement comme Hamon, sa grande performance, ça a été de gagner la primaire. Mais ni Hamon ni Fillon ne pèsent grand-chose en réalité, et ces deux ectoplasmes de même densité. Hein. Et la question, c'est est-ce que Fillon va arriver entier jusqu'au présidentiel ? Et s'il devait ne pas y arriver, par qui serait-il remplacé ? Le surnom de Fillon, c'était Courage Fillon, c'est ça ? Oui, puis on peut l'appeler Fillon aussi. Parce que c'est pareil, en ce moment, moi j'ai toujours dit qu'il y avait deux très puissants lobbies en politique, c'était le lobby gay, qui est le second, et le lobby, on dit sioniste avec des parenthèses, on va dire judéo-sioniste. Et vous remarquerez que tous les candidats sont affiliés à l'un ou à l'autre, sauf Hamon qui, lui, joue la carte traditionnelle, on va dire, à la Renault, mais la période avant qu'on le débranche, c'est-à-dire le gauchisme lycéen-étudiant, les mecs dont se moquait vivement dans ces bandes dessinées à l'époque, tu sais, le droit de l'hommiste. En fait, c'est un peu triste parce que le seul qui soit pas affilié à aucun lobby, peut-être, c'est Hamon, qui est purement dans la tradition, Club Léo Lagrange, Quinquin, Martine Aubry, mais c'est pas joyeux non plus. D'ailleurs, c'est étonnant qu'à la soirée de victoire de Hamon, il n'y ait pas eu une tentative du style Utoya ou Daesh, quoi. Moi, je voyais bien une espèce de vengeance comme non, ça. Non, mais il faut pas oublier que s'il y a eu Daesh et les attentats, et ça veut dire qu'un jour, il faudra travailler là-dessus. C'est parce qu'un Valls, qui était d'abord ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, avait intérêt, par les ordres qu'il donnait, à ce qu'on ne traque pas trop efficacement les réseaux islamistes radicaux. Ce qui est une manière discrète de dire, en gros, qu'il avait intérêt aux attentats, comme Israël a intérêt aux attentats. C'est pour ça que moi, je ne rigole pas sur Valls, parce que je pense que c'est un type dont on peut dire qu'il a quelque part du sang sur les mains, exactement comme Bernard-Henri Lévy a du sang sur les mains dans l'affaire libyenne, et donc Sarkozy, etc. Et aujourd'hui, où il a perdu le pouvoir, je ne suis pas sûr que les types qui sont dans la haute administration française ont envie de prendre les risques de laisser passer encore des terroristes islamiques, en sachant qu'à un moment donné, ils peuvent se faire choper. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé avec des hauts gradés de la police, etc. Tous ces types qui font des attentats, on sait très bien qui c'est, et on les contrôle, on les surveille depuis très longtemps, et on pouvait empêcher les attentats sans problème. C'est qu'il y a des gens qui ont intérêt aux attentats. Hein. Rappelez-vous la la menace de Netanyahou, rappelez-vous le positionnement de Valls. Et je pense qu'aujourd'hui, un type qui se dit qu'on ne sait pas trop de quoi sera fait l'avenir et qu'il peut y avoir un virage radical à la Trump en France, il n'a peut-être pas envie de se retrouver en prison pour les 20 prochaines années, parce qu'on pourra démontrer à un moment donné qu'il y a collusion entre Daesh, les services français et le Mossad. Hein. Donc c'est exactement comme le bourrage dur n'était pas possible, parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier qu'on est en France dominé par des gens qui sont ultra minoritaires et ultra illégitimes. Hein. Et donc à un moment donné, ça finit par peser ça. Hein. D'ailleurs, parmi ces gens, on a Jakubowicz qui a réagi hier dimanche au collage d'autocollants au représentant Valls, ah oui, une étoile aînée. Avec une étoile de David. Dans le fion. Oui, et il dit, il appelle ça l'antisémitisme. Voilà. Ce qui veut bien dire que c'est bien parce que Jakubowicz nous aide à définir et redéfinir ce que c'est l'antisémitisme aujourd'hui. Je pense que l'antisémitisme a des définitions qui évoluent en fonction des époques. Je pense qu'un antisémite entre 39 et 45, c'est réellement quelqu'un de détestable. Hein. C'est quelqu'un qui écrit à la police, c'est quelqu'un qui aide à faire déporter des femmes et des enfants. Aujourd'hui, un antisémite, si on a bien compris Jakubowicz, c'est quelqu'un qui refuse de soumettre la France à la politique ethnocidaire, militaire et théocratique du tandem Netanyahou-Lieberman. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, il pourrait carrément traiter directement Hamon et les gens qui ont préféré Hamon à Valls d'antisémites. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, un antisémite, aujourd'hui, c'est un humaniste français. On peut encore faire remarquer que ce qui est inquiétant dans cette présidentielle, c'est que le seul homme politique qui a réellement des épaules, de fait, c'est Mélenchon. Les autres, c'est que des ectoplasmes. Hein. Alors, le problème de Mélenchon, c'est un peu le problème inverse du Front National, c'est-à-dire que dès qu'on passe au deuxième ou au troisième dans l'organigramme, le niveau s'effondre absolument. C'est-à-dire que Mélenchon tient un discours que ses troupes ne comprennent peut-être même pas, quoi. Bah, le problème de Mélenchon, c'est qu'il prétend incarner le renouvellement de la lecture de classe, des rapports de classe et du combat social authentique, fondé non pas sur le sociétal, mais le social. Mais son problème, en fait, c'est que, un, il a trahi le social pour se maintenir à flot à peu près toute sa vie. Hein, Maxime Grémetz le rappelait, il a voté oui à Maastricht, il a été sénateur, il est toujours membre du Grand Orient de France. Donc en réalité, ce n'est pas un type qui a un parcours social au sens néo-communiste, on va dire. Et surtout, sa clientèle de base n'est pas le monde ouvrier. Au départ, ce sont les profs. Lui, sa clientèle, ce sont les profs et les profs d'un certain âge. C'est Hamon qui a la jeunesse. Mais c'est pour ça que s'ils s'associent, ça fait les profs de gauche plus leurs élèves de gauche. Ça fait quand même tout le monde des fonctionnaires de l'éducation nationale et des futurs parasites du revenu universel. Ça serait un peu ça. Donc c'est aussi une catastrophe, Mélenchon. Mais c'est le seul type qui a une épaisseur politique. Parce que ce qui est dramatique, et c'est très symbolique, c'est l'effondrement de la démocratie, c'est l'effondrement du suffrage universel, c'est l'effondrement de la France, c'est qu'il n'y a que des ectoplasmes dans cette campagne. C'est-à-dire que Fillon n'est rien. Hein, c'est un sous-sous Sarkozy. C'est-à-dire que si on part de Gaulle en passant par Chirac et Sarkozy, on arrive à Fillon, c'est-à-dire que c'est rien, quoi. C'est un type de niveau régional, en réalité. Hein. Fillon n'existe pas. Macron, c'est rien. C'est un bébé Rothschild qui a épousé sa mère pour cacher qu'il en est. Hein, et quand il fait ses discours là, quasiment hystériques, on voit qu'il est chargé comme une mule. Valls n'était rien non plus, mais il a dégagé. Hamon n'est rien. Le seul qui existe un petit peu, qui a un peu de bouteille, un peu d'épaisseur, capable d'improviser un discours et de répondre du tac au tac de façon assez brillante, et qui a une vraie culture politique, je dirais, classique, même pas à l'ancienne, mais classique et solide, c'est Mélenchon. Et je dirais même pas que c'est le cas de Marine. Hein. Marine, si tu lui enlèves le Philippot... Que je disais que c'est l'inverse, parce que à la limite, le Front National a des bases solides, mais Marine Le Pen n'aurait pas forcément le niveau, alors que Mélenchon, c'est l'inverse. Oui, c'est-à-dire que chez Mélenchon, il n'y a que Mélenchon qui a le niveau. Au Front National, Philippot a plus le niveau que Marine, ce qui est toujours embêtant quand le numéro 2 est plus intelligent et plus formé que le numéro 1. Ce qui d'ailleurs est la raison de toutes les erreurs stratégiques du Front National. Pas parce que Philippot a commis des erreurs stratégiques, parce que Philippot, il incarne l'aile gauche du Front. Mais Marine, au lieu d'arbitrer et de valoriser et de valider aussi son aile droite, a joué l'aile gauche contre l'aile droite. Parce qu'en fait, elle n'est pas au-dessus d'un triangle, elle est collée à Philippot, donc il n'y a rien en haut, en fait. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir un triangle qui est une forme stable, hein, on a une espèce de plan. Et aujourd'hui, ben, y a Marion Maréchal à droite, Philippot à gauche et Marine Poilet à Philippot. Ça ne fait pas, comment dirais-je, une structure dominée et pérenne. Voilà. Et effectivement, c'est l'inverse. On peut dire Mélenchon, c'est l'inverse. Lui, dès qu'on passe au 2, numéro 3, on a plutôt du hamoniste, on va dire. Prof d'histoire ou... Oui, droit de l'hommiste qui a validé à peu près toutes les conneries post-Nuremberg. Et on voit très bien que Mélenchon, de toute façon, petit à petit, ose dire des choses qu'il n'osait pas dire parce qu'il sent que c'est dans l'air du temps. Il voit bien qu'il y a une tendance néo-populiste et il ose aller sur le néo-populisme de gauche et notamment sortir de l'atlantisme et oser rallier la politique de Poutine en Syrie alors que nous, on le fait dès le début et que lui le fait seulement depuis quelques mois. Il ne faut pas oublier qu'il était atlantiste il y a encore un an. Hein. Et puis maintenant qu'il y a Trump, plus personne n'est atlantiste. Quoi. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, Mélenchon, si l'histoire allait jusqu'au bout, son destin, c'est d'être Déa ou Doriot. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et c'est pour ça aussi qu'il inquiète beaucoup la communauté de Lumière. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que la communauté de Lumière, aujourd'hui, est inquiète parce qu'elle a perdu à droite son Sarkozy. C'était tout pour Israël aussi, hein, faut pas rêver. Elle a perdu à gauche son Valls, tout pour Israël. Elle a un Macron qu'elle vient d'adouber vite fait parce qu'elle a vu qu'elle avait perdu Valls, mais qui est quand même pas grand chose. Elle se méfie de Fillon parce que sa clientèle c'est quand même la droite catholique et que quand ils l'ont bien insulté, comment dire, et secoué, et puis derrière de Castries, etc. Peut-être qu'ils vont finir par s'énerver un peu parce que c'est quand même la grande bourgeoisie catholique qui est derrière lui. Hein. Alors même s'ils sont dans la collaboration depuis des années, ils n'en sont pas. Et puis à droite, on a Mélenchon qui a osé des sorties sur le CRIF assez courageuse, que Marine n'a même pas osé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté de Lumière, l'Israël dans tous les sens du terme, est en train un peu de perdre la main. Il n'y a plus que Macron qui n'est pas grand-chose, hein, qui est quand même une baudruche fabriquée vite fait et dont le rôle objectif a été finalement de venger Hollande contre Valls. Hein. Parce que moi, je le dis dès le début, quand Hollande a vu qu'il ne pourrait pas se représenter et que Valls et ses appuis l'empêchaient de se représenter, il a laissé Macron dériver exprès parce que finalement, Macron a fait énormément de tort à Valls en réalité de façon indirecte puisque Valls prétendait être le renouvellement et la modernité de la gauche et il s'est pris dans la gueule un concurrent du même âge et qui s'appelait Macron. Et ça, je pense que Macron, c'est la vengeance posthume de Hollande. Hein. Pour ça d'ailleurs que Hollande n'a jamais été en colère contre Macron. Hein. Et puis ce qu'on expliquait avant que vous arriviez, c'était que c'était surtout la disparition du mot socialiste remplacé par le mot progressiste. Oui, parce que de toute façon, on voit bien que l'évolution avec les primaires, avec déjà les républicains aux États-Unis, on a les démocrates et les républicains et des primaires. Et avant, on comprenait rien à la politique américaine parce que c'est un système où il n'y a pas d'alternative de gestion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le libéralisme et le socialisme. Il y a le libéralisme et le libéralisme. Donc il y a l'éléphant et l'âne. Et chez nous, l'éléphant et l'âne, c'est un bourrin et un crétin. Et c'est quand même les deux animaux symboliques de la politique américaine. Mais aujourd'hui, en fait, par l'évolution des choses, on est dans l'américanisation intégrale du système politique, puisque évidemment aujourd'hui il n'y a plus d'alternative de gestion. Elle va être incarnée un peu de manière rétro par Mélenchon, qui joue au petit père des peuples. Mais en fait aujourd'hui on a une gauche incarnée par Macron, qui est simplement du libéralisme, mais du libéralisme libertaire. Alors libéralisme libertaire, c'est plus le shit à la Hamon. Aujourd'hui c'est la GPA, voire une position à la maître Thierry Lévy sur la pédophilie, vous voyez. Et puis de l'autre côté, on a le libéralisme à la Fillon, c'est-à-dire l'ultralibéralisme mondialisé avec Rey sur le côté et néo-catholicisme culturel, hein, c'est-à-dire la droite bourgeoise un peu traditionnelle au niveau de ses codes sociétaux, et de l'autre côté, l'ultralibéralisme mondialisé, mais entre guillemets de gauche, c'est-à-dire homo et un peu branché. Voilà. Et ça donne effectivement ce que sont les États-Unis, je dirais même avant l'avènement de Trump, parce que Trump introduit une dimension martiale et populiste qui change un peu la donne. Hein. Mais nous, comme on a toujours un temps de retard sur les Américains depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on veut dire qu'on est tombé finalement dans le bipartisme à l'américaine d'avant Trump. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas aussi un hasard symboliquement si le candidat du populisme est une femme, ce qui est aussi totalement démodé. On voit bien aussi qu'il y a, je crois que c'est Israël Shamir qui parle de retour du yang et de la fin du yin. On peut aussi parler de retour de la couille. Je pense que les femmes en politique, c'est démodé. Hein. Maintenant, on voit bien Poutine d'un côté, Trump de l'autre. Marine est déjà anachronique. Hein. Marine, elle ressemble de plus en plus à Merkel. Et si elle n'est pas élue, et je pense qu'elle pourrait être au deuxième tour et faire un bon score, mais je ne la vois pas passer personnellement, même si je ne serais pas le dernier premier à me plaindre qu'elle passe. Je pense que si elle passe pas ce coup-ci, elle va dégager. Hein. Elle tiendra pas 5 ans de plus. Hein. On est un peu dans une période de retour de la couille. Hein. Retour de la couille contre la communauté de lumière. C'est un peu ça. Bah oui, mais là, il suffit de lire Weininger. Hein. Mais donc, si on fait un peu de prospective pour conclure, est-ce qu'on peut, malgré tout, pas imaginer un duel au deuxième tour de l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? On peut tout imaginer. En réalité, il y a 4 candidats aujourd'hui. Marine Le Pen, qui ne bouge pas et dont on ne parle pas. Et n'oubliez pas que les primaires ont été inventées pour faire croire qu'il y avait un renouvellement politique en France, alors que c'est pour masquer qu'on est toujours dans le système de l'auto-alternance. Et c'était pour lui piquer du temps de parole et la faire disparaître, en réalité. C'est pour qu'on l'oublie. Et Marine Le Pen, elle a raison de se faire oublier parce qu'elle ne sait pas face à qui elle va être. Et vous imaginez bien qu'un deuxième... on a 4 personnages politiques aujourd'hui qui émergent. On a à la gauche de la gauche, on va dire, Mélenchon. À la gauche centre Macron, à la droite centre Fillon et à la droite de la droite Marine Le Pen. Hein, c'est les 4 candidats, parce que j'y crois pas à Hamon. Hein, Hamon, il pèse rien. Hein. Donc si Marine peut être face à ces 3 candidats-là au deuxième tour, hein, tout peut se passer dans les mois qui viennent, et même ne pas y être, on va dire. Mais il est possible, si les Français attendent le premier tour pour se venger de tout ce qu'ils prennent dans la gueule, il est possible qu'ils portent Marine première du premier tour avec un score important, un score de 25 par exemple, mais la barre qualificative pour le second est peut-être très bas, elle est peut-être à 15, surtout s'il y a d'autres petits candidats qui se présentent pour survivre. On ne sait pas ce que va faire Dupont-Aignan, on ne sait pas ce que va faire Bérou. Oui, parce qu'il faut que les mecs survivent en étant là. Et ça veut dire qu'un mec comme Mélenchon se dit même « je peux être au deuxième tour face à Marine » et parle l'union sacrée antifasciste. Il pourra très bien jouer ce jeu de dupe-là encore. Il peut être président. Macron peut être président et Fillon aussi. Et Marine, imagine bien qu'un deuxième tour face à Fillon, c'est pas pareil qu'un deuxième tour face à Macron et c'est pas pareil qu'un deuxième tour face à Mélenchon. Elle a plus de chance face à qui ? Alors franchement, moi, je joue pas au billard à 4 bandes. Hein. J'essaye déjà de faire des prévisions. Non, ce qui est sûr, c'est que les reports de voix, comme ils se sont passés en 2002, n'auront pas lieu. C'est-à-dire le réflexe avec l'aggravation de la crise. Oui, ça marche plus, le Front républicain. Hein. Ceci dit, au régional, les types se sont quand même retirés sur ordre. Hein. Et la pression... Marine va se prendre une campagne d'une violence bien supérieure encore à celle de son père, parce que le système est persuadé de quelque chose dont moi-même, je ne suis pas très sûr, c'est qu'elle veut le pouvoir alors que son père ne le voulait pas, soi-disant. Donc, ils vont être bien plus méchants avec elle, bien que ce soit une femme. Donc, normalement, ils devraient la respecter au nom du féminisme, et bien qu'elle soit entourée que d'homosexuels, ce qui normalement devrait lui valoir aussi. Mais elle est attaquée là-dessus maintenant. Elle est attaquée là-dessus sur le fait qu'il n'y ait que des homosexuels. France 3 a fait un documentaire, c'est ce qu'on disait, et par ailleurs, France 2 fait un documentaire sur Trump et la communauté juive. C'est-à-dire qu'ils attaquent Marine Le Pen sur les homosexuels, Trump sur les juifs, et bientôt ils vont nous dire qu'il y a un complot judéo-homosexuel contre l'Europe, quoi, contre l'Union européenne. Oui, mais c'est le système qui se mord la queue. Normalement, voilà. Une femme qui se présente entourée que d'homos, elle devrait être adoubée par Pierre Berger. Hein. Or, c'est là où on voit c'est que c'est la système, Madone APD, comme le disait, système. Ouais, mais le système est dans des contradictions qui mettent en avant tous ses mensonges et toute son inconsistance. Parce que jamais Marine se fait attaquer comme si elle était son père. Alors qu'en fait, elle est une femme en politique. Normalement, elle doit avoir le respect qu'on a pour Merkel, qu'on a pour les femmes qui osent aller en politique. C'est la modernité, la parité, etc. Or, c'est pas vrai. Elle a droit à un traitement d'exception. On voit bien qu'elle est traitée comme la fille de son père, et même pas la fille de son père, la progéniture de son père. Et puis pareil, normalement, on devrait voir d'un bon œil, le système devrait voir d'un bon œil que Marine soit entourée que d'homosexuels. Or, elle va quand même se faire attaquer, et même là-dessus. C'est pour ça que ça va être, la campagne va être très intéressante parce qu'on est maintenant dans la période du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place depuis l'avènement de la deuxième gauche, depuis l'effondrement du gaullisme, etc., qui n'était que du mensonge, du sociétal pour cacher le social, faire disparaître le sérieux du politique, c'est-à-dire les rapports de production, le rapport consommation-production, la compréhension de ce que c'est que une politique internationale, etc., ça a créé une espèce de bouillie à la Canal+, pour abrutis, hein, abrutis ou déprimés, parce que soit vous avez le cas, soit vous devenez abrutis sur Canal+, soit déprimé, chômeur, péri-péri-urbain, et c'est deux manières de vous sortir du sérieux politique. Hein. Et là, tout ça, là, va nous péter à la gueule. Hein. C'est-à-dire que ça va être n'importe quoi. Sur Fillon va s'en prendre plein la gueule dans tous les sens, sur sa femme, sur sa sexualité cachée, sur son catholicisme, sur son même son sionisme caché, ou Bilderberg, ou je sais pas quoi, ou tout ça. Le seul qui va être protégé, à mon avis, je vous dis, c'est bizarrement, c'est Mélenchon. À mon mon avis, là, je vois, il y a un truc qui se prépare sur lui. Là, c'est le petit père des peuples en Union soviétique. Enfin, je veux dire, il est hyper protégé par le système parce que, je vous dis, le système qui est dont le seul travail, c'est d'empêcher le Front National d'arriver au pouvoir. C'est la roue de secours. Oui. Ils se disent quand même, Mélenchon, on peut pas se permettre de l'attaquer. Alors qu'il devrait l'attaquer. Parce que Mélenchon, finalement, c'est un peu comme de savoir de quel mauvais cochon fallait tuer de Staline ou d'Hitler. Normalement, Mélenchon, pour le grand capital international, Mélenchon est plus dangereux que Marine Le Pen. Hein, il est plus à gauche au sens social du terme. Or, c'est pas vrai. En réalité, de même qu'ils ont préféré sauver Staline et tuer Hitler, ils préféreront tuer Marine et sauver Mélenchon. Ce qui veut dire qu'on nous a pas tout dit sur la réalité des forces en présence et des rapports de force. Et tout en sachant, et cette claque électorale à Valls le démontre encore une fois, le poids que prend Internet dans ces élections, et notamment égalité et réconciliation. Oui, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on fasse campagne pour l'éjection de Valls. Parce que Trump a démontré qu'il pouvait battre le système contre les médias mainstream. Hein. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se passent par les réseaux sociaux. Et le système qui a pris le total contrôle des médias, il y a une ruse de la raison, hein, quelque chose d'hégélien. Au moment où il a pris le total contrôle des médias avec Drahi, la concentration, Pigaz, etc., il y a les médias internet qu'ils ont du mal à gérer. Hein. Alors pour ça, ils ont monté la DILCRA, ce qui finalement, en bout de course, donne Conversano Mancini. Hein, une armée de trolls. Oui, une armée de trolls pour venir nous combattre sur internet, parce qu'ils ont compris que nous combattre de l'extérieur, c'est-à-dire que quand les médias mainstream nous critiquent, ça nous valorise, c'est-à-dire le système est contre nous, donc c'est qu'on fait du bon boulot. Hein. Donc ils ont compris que ça ne servait plus à rien. Donc par contre, ils essayent maintenant de mener un combat à l'intérieur de la dissidence, entre guillemets, et de monter des gens par le trollage internet. Voilà. Mais c'est difficile à faire, on garde un coup d'avance, c'est-à-dire que finalement, l'internet, c'est nous. C'est Dieudonné, moi, etc. Et c'est ce que Trump avait compris, parce que c'est tout sauf un con, où pratiquement, il a fait toute sa campagne avec Twitter. Hein. Et chaque fois qu'un média mainstream lui envoyait une pute en tailleur avec des faux seins, le traitait de misogyne, il lui disait, écoute, Poufias, on a autre chose à foutre. Tu vois, le peuple américain en a marre de tes conneries. Et il avait l'intuition c'est ça qu'il fallait dire. Ce que Marine n'a pas compris. C'est-à-dire que Trump a fait le contraire de la dédiabolisation. Trump, c'est le mec qui prouve que non seulement il ne fallait pas virer Jean-Marie Le Pen, mais chaque fois que Finkielkraut ou Zemmour ouvraient la bouche, dire « Comment se fait-il que vous dites aujourd'hui sans problème ce que mon père dit depuis 35 ans ? Et comment ça se fait que c'est votre propre communauté qui a empêché Le Pen de le dire et qui l'a persécuté ?» Alors qu'à l'époque où il le disait, ça avait un sens parce que c'était préventif. Alors qu'aujourd'hui, à la limite, à part pousser à ce qui se passe en ce moment au Canada, c'est-à-dire à faire tirer des paumés à l'arme lourde sur des mosquées, c'est trop tard. Maintenant, il faut gérer le problème autrement. Et si Marine avait fait ça, elle serait en bien meilleure position aujourd'hui pour, je dirais ça plus la manif pour tous, c'est-à-dire la droite des valeurs. Si elle avait compris que la gauche du travail, ce n'est pas la gauche, et que la gauche du travail est complémentaire de la droite des valeurs, et que le peuple de gauche du travail n'est pas pour l'homosexualité et la GPA et la pédophilie, et qu'on peut être d'autant plus gauche du travail qu'on est droite des valeurs et réciproquement. Elle n'a pas compris ça, que j'ai essayé de lui expliquer quand même depuis 10 ans. Et c'est pour ça qu'elle a quand même commis énormément d'erreurs et qu'elle n'est pas Trump. Elle n'est à aucun moment Trump. Elle est dans la dédiabolisation, elle est dans l'homosexualisation, elle est dans la modernité, alors que cette modernité dégénérée qui amène à la Gay Pride, alors que le peuple est très inquiet de ce genre de choses, et que Dieudonné, lui, l'avait très bien compris dans ses sketchs, hein, le sketch génial où il amène son gosse, il se promène dans l'oreille avec son gosse et qu'il croise la Gay Pride, c'est terrifiant, effectivement, tu veux pas que tes gosses voient ça, quoi. Et Marine a loupé énormément de choses. Alors, faut dire qu'en face, les autres sont nul. Et elle est un peu dans le sens de l'histoire. Je dirais le Front National est dans le sens de l'histoire, pas Marine Le Pen. C'est ça que... Alors qu'elle, sa campagne se fait en faisant oublier le Front National. Hein. C'est l'espèce de balai de chiottes bleu là, qui ressemble à une rose. Et puis Marine, je suis pas sûr que stratégiquement ce soit si malin que ça. Ça, c'est vraiment la stratégie Philippot. Hein. Mais ce que vous remarquerez, c'est que Philippot est très performant dans les médias, mais il ne soulève aucune sympathie dans le peuple. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait une cote d'amour pour Philippot. On admet tous qu'il est bon en médias, parce que c'est une anguille. Il arrive à éviter les pièges et il fait du système A. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est jamais frontal. Mais justement, ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent du Trump. Philippot, ce n'est pas Trump. Et ça c'est des paramètres à prendre en compte. Hein. Alors bon, Ceci dit, bien malin celui qui pourra dire qui va être au deuxième tour et qui va gagner. Hein. Moi, franchement, je pense qu'il faut commenter et réagir semaine après semaine. Hein. Déjà, il fallait la primaire à droite, Sarkozy qui dégage, Juppé qui était vraiment le candidat du mondialisme, hein, et il avait été adoubé, etc., qui se fait sortir par Fillon. Fillon qui n'était pas prévu et qui, du coup, n'est pas armé pour mener le combat que Juppé aurait pu mener. Donc, il se prend dans la gueule, il est déstabilisable hyper facilement, on le voit là. Hein. Et à gauche, pareil, primaire organisée pour Valls, puisque je vous dis que le système voulait Valls Juppé comme deuxième tour, hein, c'est-à-dire Bilderberg et Israël face à face, comme ça c'était gagnant-gagnant, quoi qu'il se passe. Hamon sort, qui n'est rien du tout non plus, hein, et donc, moi j'avais annoncé, j'avais à peu près, en n'étant pas trop mauvais, anticipé sur la moitié des trucs, hein, c'est-à-dire que la primaire serait imposée, Hollande ne se représenterait pas, mais j'avais pensé Juppé-Valls. En disant bien ce qu'ils étaient d'ailleurs, et on n'a ni Juppé ni Valls. Hein. Je pense qu'il va falloir faire une émission chaque semaine de commentaires de la présidentielle en fonction des scandales qui vont sortir. Par exemple, là, Pierre Berger qui adoube, tous les mecs qui adoubent Macron, là, on a Kouchner, Pierre Berger, c'est pareil. Macron, c'est d'un seul coup la roue de secours de centre-gauche des gens qui ont perdu leur Valls. Hein. Et puis Macron, c'est vraiment Jacques Attali derrière, et on pourrait d'ailleurs y revenir. Oui, bah on va s'amuser petit voilà. À petit à dire ce qu'est Macron. Macron, c'est pareil, il va s'en prendre plein la gueule. Hein. Je pense que si Mélenchon veut se payer Macron, il a le moyen de se le payer sérieusement en discours politique. Parce que pareil, Macron, c'est rien. Enfin, c'est rien et plein de choses derrière, hein, mais c'est tout sauf le renouveau, c'est tout sauf la France, c'est tout sauf la solution à aucun niveau. Hein, voilà. Les cartes sont rebattues, on suivra ces élections présidentielles bien sûr sur Égalité et Réconciliation, et d'ailleurs Alain Soral, nos auditeurs pourront vous suivre à travers une nouvelle série, une petite série de vidéos courtes. Soral vite. Ouais. Oui, parce que on était depuis quelques temps dans une logique de vidéo qu'on faisait très longue et très argumentée qui s'appelait Soral répond, qui était fait pour nos adhérents, et puis après on avait le travail de post-production pour faire des vidéos mais qui sont faites prêtes pour être revues avec du recul, mais qui avec un décalage de 2 mois pratiquement, voire 3 mois, et aujourd'hui dans cette période de présidentielle où tout bouge très vite, évidemment il y a une espèce d'inadéquation entre ces vidéos très très très construites, très solides, avec beaucoup de hauteur, et le fait que là il faut la hauteur n'est pas de mise en ce moment, il faut aller au ras des pâquerettes. Donc je pense que c'est complémentaire. Je reviens toutes les semaines pour faire un commentaire à chaud, mais de on va dire de petite politique, hein. Et puis ça, c'est complémentaire de la grosse vidéo sur laquelle on travaille en ce moment, avec de la post-production où on rappelle les fondamentaux, les réseaux, la géopolitique, etc. Mais il faut les deux en ce moment. Il faut la petite politique politicienne qui a à voir avec les présidentielles, et puis aussi rappeler les fondamentaux. Par exemple, qu'est-ce qu'est Macron en termes de réalité humaine, et qu'est-ce qu'il y a derrière Macron en termes de réseau, hein. Il faut faire les deux, hein. À la limite, le social et le sociétal. Hein. Il faut bien articuler les deux. Le sociétal, c'est le léger, c'est l'éphémère, c'est le phénomène humain, le capital humain, la petite phrase, le talent individuel. Et puis le social, c'est les fondamentaux, les rapports de classe, les réseaux, la pesanteur de la logique du capital, etc. Et je pense que là, avec le Soral vite et le Soral répond, on va fonctionner sur ces deux niveaux, complémentaires et nécessaires. Eh bien, nous suivrons cela. Alain Soral, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est un plaisir pour moi. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Patrick Mbeko. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, merci de nous soutenir toujours autant. Vous êtes très nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux, à la commenter sous l'article sur le site ER. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la lettre d'information Faits et Documents en suivant le lien sous cette émission. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Philippe Guepp. Son album Le Retour du Roi est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter le titre éponyme Le Retour du Roi. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Encore cette lumière dans tes yeux. Loin de ce monde sombre et nerveux, ah, toutes ces âmes tenues en laisse, ces dogmes et ces lois qui écrasent tout. seul, celui qui vit du mensonge craint la vérité par-dessus tout. Oh, oh. J'aimerais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions de nous. Retrouvons-toi et moi, le plaisir délicat, à la cour, mon amour, l'élégance, le charme, l'amour, la foi, et que la lumière soit, danse avec moi, et fait-on le retour du roi, danse avec moi. Faites-moi vive la vie, vive les mois. Encore cette lueur dans tes yeux. C'est encore mieux. Ah, ne nous dites plus qui nous sommes, nous le sommes. Un point, c'est tout. Trop de corps abandonnés, de cœurs blessés et d'esprit à genoux. Oh, j'aimerais tant que tu te souviennes. Les jours heureux où nous étions de nous. Retrouvons-toi et moi, les plaisirs délicats, à la cour, mon amour, l'élégance, le charme, l'amour, la foi, et que la lumière soit. Avec moi, et fêtons le retour du roi. Danse avec moi, vive la vie, vive les mois. Vive la vie, vive le roi. Profitons de la cheminée pour faire un peu d'histoire. Alors voilà, Jeanne d'Arc naît le 6 janvier 1412 à Domrémy, village qui signifie la maison de Rémy. Clin d'œil de la Providence, rappelant le baptême de Clovis. Le 6 janvier est aussi le jour de l'Épiphanie, un hommage au roi mage venu honorer le Christ roi des nations. À 19 ans, Jeanne la Pucelle, à la tête de l'armée du dauphin Charles, reprend Orléans et part à la reconquête de la France face à la perfide Albion, l'Angleterre. Et suivant son esprit surnaturel, elle accomplit ainsi sa mission. Rappeler au monde que le roi de France n'est que le lieutenant du Christ. Le 21 janvier 1429, elle déclare « Gentil dauphin, vous êtes le plus pauvre chevalier de France. Moi, Jeanne, je donne le royaume à Jésus et Jésus rend le royaume à Charles. » Et le Brevarium Historiale est relatant cet épisode et la véritable table de la loi fondatrice de l'âme de notre pays. Longue vie à la France !